lève les yeux au ciel. À vrai dire, on a le même par cœur, loin d'un chroniqueur. Car on fait la diff sur le parterre. Je peux te laisser en vie, ça coûte plus cher que la guerre, mais en vrai. C'est mieux que de courir à sa perte, j'aime jouer avec les mots. C'est mieux que de jouer aux morts, juste envie de tirer les taux. Rendre des comptes quand ils ont tort, pourtant je me suis levé tard. C'était pas différent hier, autant de poids sur ma paupière. Juste alléger mon dièse. Y'a que dans le mental, c'est la prison. J'ai vu mon frère tabasser l'autre pour le ramener à la raison. J'ai su coffrer des poteaux, tu cries fort, rien ne résonne. Comme le temps fait bien les choses, on s'est détaché du réseau. J'ai vu le regard de ceux qui mentent, je kiffe les arrogants. Je vois les yeux de ceux qui montent et ceux d'en bas qui les descendent. Je pourrais te parler de ma vie, mais je suis sur la descente. Pas de parole d'hypocrite, j't'ai pas appelé mon sang. T'as prêt à contresens, en plus tu prends les airs au teint. T'as vu là il est tard, t'as vu mon timbre, bel et qu'on va t'éteindre. Parole balayée par le vent, qui veut qui entend. J'ai pris le temps, étant la rime jusqu'au soleil levant. Pareil que j'suis sombre et sérieux, mais peu me connaissent. Écoute le faux, sache qui dit vrai si j'suis honnête. Réunion d'aime s'il s'est aimé plus que net. Fériorise le jour, réfléchis une semaine. Des fois j'pense à ma vie et j'me dis que j'ai le seum. C'est pas la personne que j'aurais dû être. Ils viennent tous se confier à moi, ils pensent que je suis prêtre. J'en donne pas mon avis, je les laisse seul. Des fois je pense à ma vie et je me dis que j'ai le seul. C'est pas la personne que j'aurais dû être. Ils viennent tous se confier à moi, ils pensent que je suis prêtre. J'en donne pas mon avis, je les laisse seul. Des fois je pense à ma vie et je me dis que j'ai le seul. C'est pas la personne que j'aurais dû être. Ils viennent tous se confier à moi, ils pensent que je suis prêtre. Je leur donne pas mon avis, je les laisse seuls. Ça peut paraître peu important, mais ici peu de gens gagnent la partie. On veut se sentir emporté, mais y'a comme un bug dans la matrice. On reste unis comme la patrie, mais on se retrouve seul. Quand y'a plus que des boîtes et du riz seul. Comme un alien à la Sylvain du Riff. À deux doigts de la civière du risque. Et j'ai l'amour du risque avec ma gueule de pite. Ouais, je ferai tout pour obtenir le titre. Je ramène le litre et en équipe, on tire sur le mic. On sort des couplets miracles. Ça vaut le coup, comme de eux le Big Mac. Y'en a qui faussent la victoire avec des trophées de l'ivoire face au King. Ouais, j'aimerais bien t'y voir. Ils ont des taches en smoking. Ouais, nous prennent pour des cons. Ils se moquent de qui? Ils sont des boules, on est les qui? Faut qu'on les bouffe et qu'on les nique. Mais pas de panique, le temps fera le tri. Un sommet rempli de sens éthique. À la recherche de la rime épique. Je me roule un petit d'épice. Je fais mon art, je médite. C'est plus du rap, c'est de l'arithmétique. C'est plus du rap, c'est de l'arithmétique. Des fois je pense à ma vie et je me dis que j'ai le seum. C'est pas la personne que j'aurais dû être. Ils veulent tous se confier à moi, ils pensent que je suis prêt. Je leur donne pas mon avis, je les laisse seul. Des fois je pense à ma vie et je me dis que j'ai le seum. C'est pas la personne que j'aurais dû être. Ils veulent tous se confier à moi, ils pensent que je suis prêt. Je leur donne pas mon avis, je les laisse seul. Ouais, on s'est fait seul et c'était sale, crois pas que c'était fun. Trop de seum ici, les fleurs fanent, les jeunes parlent d'armes à feu et de cam. Les faits divers sont quotidiens, ça crame l'avenir avec un. J'ai ricane, les petits ricanes également. Les grands prennent des calmants. Tout le monde se la met, ils se douillent amicalement. J'ai pris mon temps avant de sortir mes couplets. Avant ils me crachaient dessus, maintenant ils vont te faire écouter. Ouais tu connais, ils font les gars à côté. Mais n'oublie jamais qu'il y a sûrement un mec pour être talent dans le bloc d'à côté. Sous-estime pas les gens, je connais des hommes mais je connais pas de légende. Ambiance étrange comme un mois de décembre. J'ai fait du mal, on m'en a fait. Suffit d'une lame ou d'un micro pour te menacer. Même en freestyle, je connais des petits qui pourraient t'effacer. Garde les pieds sur terre, pas le temps de rêvasser. Des fois je pense à ma vie et je me dis que j'ai le seum. C'est pas la personne que j'aurais dû être. Ils viennent tous se confier à moi, ils pensent que je suis prêtre. J'en donne pas mon avis, je les laisse seul. Des fois je pense à ma vie et je me dis que j'ai le seum. C'est pas la personne que j'aurais dû être. Ils viennent tous se confier à moi, ils pensent que je suis prêtre. J'en donne pas mon avis, je les laisse seul. Des fois je pense à ma vie et je me dis que j'ai le seum. C'est pas la personne que j'aurais dû être. Ils viennent tous se confier à moi, ils pensent que je suis prêtre. J'en donne pas mon avis, je les laisse seul. Des fois je pense à ma vie et je me dis que j'ai le seum. C'est pas la personne que j'aurais dû être. Ils viennent tous se confier à moi, ils pensent que je suis prêt. J'en donne pas mon avis, je les laisse seul. Des fois je pense à ma vie, je me dis que j'ai le seum. C'est pas la personne que j'aurais dû être. Ils veulent tous se confier à moi, ils pensent que je suis prêt. Je leur donne pas mon avis, je les laisse seul.